Le directeur de l'agence France Presse, Emmanuel Hogg, et sa suite ont quitté le vide Pyongyang par vol. Pendant leur séjour, il y a eu une cérémonie consacrée à l'établissement de la filiale de l'agence France Presse à Pyongyang, selon l'accord de deux côtés, Agence Télégraphique Centrale de Corée et Agence France Presse.